Añupe. Merci, merci beaucoup, la station. Dans quelques instants, le match va pouvoir commencer. Vraiment, tout bouge dans ce stade aujourd'hui. Il fait d'abord un très beau temps. Un stade gorgé de monde. Une marée d'hommes du jamais vu. Plus de 100 000 spectateurs ont envahi le stade. Tout juste pour voir les dragons évoluer. Les deux capitaines se saluent. La cérémonie de tous les jours. Là-bas, elle va être bientôt centrée par l'équipe des dragons. Bon diables pour qui? Pour Zamba Raoul qui dribble le premier. Réussit à passer la balle entre les jambes de son adversaire. Tout ceci est magnifique. Il lance la balle en direction du Kingston. À sa vie transmet à bon marché. Il lance Duregozado qui bruit. Rentre la défense, roule la défense et dans le but. Magnifique but de la partie. Un petit foudroyant. Très magnifique but de la partie. Une horde. Il est parti mourir au fond des filets. La balle était à 1000 watts. Vraiment, c'est magnifique. Le cul est intervenu à la deuxième minute du jeu. Bravo, yeah! Ouais, yeah! Ouais, mais, oh, yeah! Ouais, yeah! Le public populaire du pays. Il y a un orchestre qui a quitté le Bénin, tout juste pour animer ce match des dragons. Eh bien, c'est les volcans de la capitale. Nous allons leur demander de nous donner un peu de musique là. Tu la sabes.

Vive l'ORTV. Nikudo mendigira. Kokudo ambiancinina. Nuklome mito no de uso mito kawea. Radio Béninoise. Ambiance, ambiance. Africa numéro 1. Dansez, dansez mes frères de Port-Gentil, Africa la belle, il y a la musique, il y a de l'ambiance, Africa numéro 1. Ambiance matin au soir, sans oublier Radio Garoua, en passant par Bafoussa. Au Sénégal, c'est toujours l'ambiance. Gambie, Mali, c'est toujours la bio. Écoutez, Djamo, Djamo, mes frères, c'est toujours l'ambiance. En Côte d'Ivoire, Africa, Africa. Au Nigeria, comme au Zaïre. Au Congo, comme au Kenya. La Guinée, Guinée équatoriale, Malawi. Toi, mon frère, moi qui est loin là-bas, au pays des Blancs, rejoins ton village, passerie de Django. Et n'oublie pas surtout tes parents au pays. Ayaba, Yoko, Kofi, va te saluer. T'invite à danser. Orin de Django. Atina, wadam benouye. On balance ta balle où sont les vices. Kaka konya ta korana tintengu. Boko tougou belé. Aïlo wero watambeni. Ebio son watambeni. Mais sous Wesile, ni watambeni. Le roi dans les niwa t'a béni. N'y a qu'un osan. Votou oro qui, il t'a djebou. Kaka kon y sa pète que tout pobe y fany. J'attends les tchè niwa t'a béni no savalou. C'est beau l'isan akadou wa t'a béni. Manu, manu. Now, where do I go? Bobby, don't let lo jugamos tú y yo. Aguaro que si me colume ña ña ña. Ya te jugamos a buena chuyo. No hice o no hice. Ya ella te quita no ve cahuea. Coco ya en la tuegida, yo voy a cacar en su cara. Y ella lo ve cacaba y no le. Pedió, no era una ley. Bonana, esto era un pehuelo. Esto va a ir hoy y vos. Puso a los vivos el amor. Naye kumbo galina kabo. Awaro fesime kolume nyanya nya. Papa yo kumbo abuelo choyo. Eni pesusia. Toi se bono isa. Toi se bono isa. Seven or nine.